Je viens de Calais et je suis bénévole dans une association qui offre des soupes en hiver dans les camps de réfugiés. J'ai assisté au tournage de Welcome. Alors, quand j'ai lu dans le journal que Vincent Lindon venait présenter le film en avant-première à Dunkerque, j'y suis allé. C'était la première fois que j'assistais à ce type d'événement. À la fin de la projection, nous nous sommes tous levés pour applaudir. C'est un moment intense pour le public. J'ai adoré le film et je vous le recommande. Au-delà d'un beau moment de cinéma, c'est un beau geste citoyen.